La préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Saison 2. Épisode 3. L'univers simulé. Il y a bien longtemps, en 2017. Il y eut une exposition d'envergure sur l'œuvre de Ben Vautier au musée Mayol. Nous interrompons notre bulletin d'information pour ce flash info. On apprend à l'instant qu'une exposition d'envergure sur l'œuvre de Ben Vautier va se tenir au musée Mayol. Tout de suite, on retrouve notre correspondant sur place. Machin, c'est à vous. Oui, je suis effectivement devant le musée Mayol où une foule impressionnante s'est rassemblée. Les gens attendent avec impatience de redécouvrir l'œuvre de cet artiste subversif. Écoutez plutôt. Cette exposition d'envergure changea littéralement la face du monde. Parmi les œuvres exposées, témoignant toutes d'une immense puissance. Une puissance qui inspirait à tous le respect. Il y avait une citation du maître qui, entre toutes, stupéfia le public par son sens aigu et pénétrant. Une éclaboussure de lumière plus jaune que tous les tournesols de Van Gogh. Extraite de son livre « Je cherche la vérité ». En vérité, si le théâtre c'est la vie, nous sommes tous en train de jouer dans une pièce. Et je m'attends à tout instant à voir le rideau tomber. Parfois les artistes devancent les philosophes et les savants. Cette phrase, simple en apparence, mais porteuse d'un questionnement métaphysique d'une rare intensité, c'est vrai, initia un débat profond dans la société. Et si l'univers n'était qu'une simulation ? Dis donc, Monique, je regardais la télé à l'instant et je me suis demandé si après tout l'univers n'était pas qu'une simulation. Ben, c'est sûr que la vie est un peu comme qu'il dirait un théâtre. Une idée forte qui occupa rapidement tous les esprits et qui tombait à pic pour certains. Oui, je suis mis en examen. Simulé, et j'irai plus loin, simulé dans le but évident de me vivre. Oui, j'ai commandé une étude d'image, mais je l'ai fait en sachant parfaitement que j'étais dans un univers simulé. Nous n'avons pas gagné cette fois-ci, mais de toute façon, cet univers est simulé. Et ainsi de suite. Cependant, la théorie de l'univers simulé eut plutôt tendance à éloigner encore un peu plus les gens de la politique. T'as voté, toi ? Bah oui, c'est important quand même. Pour qui ? Bob l'éponge. Ah bon ? Mais il a eu ses signatures. Dans un univers simulé. Ah ouais, t'as raison. En fait, chacun s'appropria la théorie de l'univers simulé. Qui paraissait la solution idéale pour se tirer d'à peu près n'importe quel mauvais pas. Écoute, Paul, j'ai beau réfléchir, dans la mesure où on vit dans un univers simulé, je vois pas de bonne raison de te rendre la voiture. Oui, je comprends, mais j'en ai besoin pour... Besoin pour quoi, Paul ? Besoin pour quoi ? Cette nouvelle tendance s'étendit vite à toutes les générations. Camille, je t'ai demandé 3 fois de ranger ta chambre. Mais on vit dans un univers simulé. Ah ouais, t'as raison. Et à tous les aspects de l'existence. Madame, monsieur, bonsoir. Nous aurions pu consacrer une partie de ce journal à la situation en Syrie, mais je vous rappelle que nous vivons dans un univers simulé. Aussi, nous allons plutôt parler des cadeaux de Noël de dernière minute, et ce, bien que nous ne soyons que début août. C'était un vrai soulagement dans certaines professions. Monsieur Lombert, j'ai ici les résultats de vos examens. Alors ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on vit dans un univers simulé. C'était simplement devenu la réponse à tout. Madame Hidalgo, est-ce qu'on peut parler de la fermeture des berges de Seine ? Bien sûr, nous vivons dans un univers simulé. Ces embouteillages sont donc simulés. Y a-t-il une autre question ? Enfin, simulée. Bientôt, la certitude de vivre dans un univers simulé rendit tout le monde à la fois très calme et très triste. Elle est bonne ta glace, Camille ? Elle est simulée. Tu veux une bière simulée ? Merci. D'accord. Papa va s'en simuler une quand même. On décida de se venger en créant nous-mêmes une simulation. Dans laquelle vivaient des êtres virtuels, encore plus simulés que nous. Facebook annonce aujourd'hui l'ouverture d'un univers simulé au carré, encore plus simulé que le vrai. C'est beau, c'est fonctionnel, c'est gratuit sauf qu'il y a des pubs. Tout ce dont vous aviez besoin pour vous venger de ce créateur pervers. Regarde maman, on va te créer un compte. Avec notre destin. On vit dans un univers simulé et mon Roger il est parti. Mais justement on va se venger, tu vas voir. Alors voilà, tu as un avatar, on l'appelle comment ? Je sais pas. Tiens, on va l'appeler Jean-François Copé. Ça sera bien fait pour sa gueule. D'accord. Voilà. Oh merde, c'est déjà pris. Bientôt, la principale distraction... Sinon la principale activité... Sinon la seule activité... ...fut de régenter de manière sadique la vie de milliards d'êtres virtuels. Dans un univers ressemblant au nôtre. Mais en moins bien. Priscilla, mon amour, quel est donc cet épais nuage de farine qui envahit notre cuisine ? Regarde, mon amour, en checkant des tutos sur Internet, j'ai appris à faire le pain moi-même. Pathétique. Je t'aime, Priscilla. Oh, Jean-François Copé, 72, moi aussi je t'aime. Je t'aime tellement que je voudrais qu'on fasse un enfant qui nous ressemble. C'est ça, vas-y, fais-lui un gosse, dans 4 ans t'auras plus d'eau potable, pauvre naze. Tu t'es occupé de payer la facture d'air ? Attends, je joue. Bah, apparemment, ils coupent sans prévenir maintenant. Mais c'est des coupures simulées, et puis là, je fais-moi joue. Fais-moi l'amour, Jean-François Copé, 72. Eric ? Oui, tout de suite, mon amour. Eric ? Mais que m'arrive-t-il ? Je suis allergique au gluten. Mon Dieu, je vais mourrir. Argue. Il arriva ce qui devait arriver. Les créatures du monde simulé au carré finirent par comprendre. Et elles créèrent à leur tour leur propre monde simulé. Dieu maléfique, tu ne peux plus rien contre moi. Je resterai assis devant cet ordinateur tout le temps que durera ma misérable existence. Oh, le con, c'est même pas un vrai ordinateur. Dis donc, j'ai du mal à respirer. Pas toi ? Aussitôt, Ben Vautier saisit la balle au bon. Et répliqua avec une nouvelle œuvre majeure. La boucle est bouclée. 18 000 euros. Simulé. La boucle était bouclée, en effet. Et la vérité paraissait enfin au grand jour. L'artiste est le véritable démiurge. À l'heure qu'il est. Le règne et la puissance de Ben sont reconnus dans toutes les dimensions. Je suis Dieu. Nous vivons dans la vérité pure. L'honnêteté absolue. La lucidité totale. Après ces millénaires d'erreurs et d'errances. Quel soulagement. C'était La préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Retrouvez le générique complet de cette émission sur franceculture.fr.